commencé ce matin avec un sujet qui est à la fois c'est un sujet qui était à la fois complexe, qu'on va avoir du mal à finir en 45 minutes, une heure là, mais qui me paraissait passionnant de commencer en tout cas à parler, qui est la production. On a beaucoup de choses, il y a de plus en plus de jeunes réalisateurs, de plus en plus de producteurs qui viennent hors du monde de l'animation, qui viennent produire de l'animation. Donc l'idée c'était assez simple, la question était à quoi sert un producteur, de manière voilà, assez directe. J'ai plein de gens autour de la table, donc j'espère aussi que vous avez des questions, moi j'en ai plein, vous savez, mais j'espère que vous pouvez aussi leur poser des questions. Je vais demander à tous de venir rapidement, Manieris de Tant Mieux Prod, Emmanuel Arenal de Miu Production, Yves Bouvret, tout jeune producteur, Instagram, Gilles Cuvelier, qui est un mélange entre un réalisateur, un producteur et qui a son propre studio, tant qu'à faire, on va lui demander pourquoi, et Florentine Grelier en dernier. Un manque de galanterie de ma part, mais aussi pourquoi Florentine en dernier, c'est qu'il y a aussi, c'est pas venu d'elle parce qu'on en a parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit. Voilà, on en a souvent parlé, de la problématique en fait du réalisateur par rapport à. Excusez-moi, je vais y arriver. Ce qu'on attend un petit peu d'un producteur. Rapidement, pour les présenter, Yves Bouvret, c'est un tout jeune réalisateur, c'est un tout jeune producteur, je vais y arriver, c'est mardi matin, ça arrive. Qui notamment, alors hop, ça va marcher, a produit le dernier film d'Alexeïev, que vous connaissez tous pour KJFJ numéro 5, hein, qui est voilà, un film qui a tourné absolument partout dans le monde. Là, c'est La Chasse, et il va nous expliquer pourquoi, en effet, il est rentré dans la production. Il produira normalement, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Merde, j'ai pas fait. Est-ce qu'on va, voilà, il produira, c'est son site internet, Rivage de Sophie Racine, qui est une jeune réalisatrice issue de la Cambre et dont on attend le premier film avec impatience. Donc voilà, vous pouvez regarder sur son site. Tant Mieux Prod sont connus avant tout pour ça. Hop. Ici, tant qu'à faire le meilleur de cette saison, le film de Jane Boyd. C'est moi qui le dis, hein, ça va, il n'y a pas besoin de dire ça. Qui est En sortant de l'école, qui est évidemment cette fameuse collection de gens qui sortent des écoles et qui ensuite ont la chance de pouvoir adapter un poème, on va dire, d'un réalisateur, d'un poète. Excusez-moi. J'ai laissé parler ça. Et donc voilà, donc ça c'est leur travail, sachant que à côté de ça, vous pouvez regarder aussi pareil sur leur site, mais voilà, Tant Mieux Prod, il y a plein de choses, hein, je ne vais pas tous vous les faire, mais ils ont plein de trucs et ils ont notamment, donc ils ont été élus meilleurs producteurs d'animation de l'année. Très bien. On ne sait pas à quoi ça sert, mais en tout cas, voilà, ils le font. Ils ont un ciné-concert qui m'a fait vachement bien après en sortant de l'école. Oui. Vous avez vu, maintenant, je fais des trucs comme ça. Et ils ont plein de projets, dont le fameux Toby Lulness, qui va être un des gros projets de Tant Mieux Prod. Je vous les présente rapidement, parce qu'on ne va pas forcément rentrer dans ce qu'ils font, hein, mais plutôt, évidemment, comment ils le font. Miu Production. Oh là là, Miu Production, ils sont connus pour faire des choses comme ça. Alors ça c'est le film des Cranot, Jean-Éric Cranot, qui est en compétition ici même à Annecy. Ils sont surtout connus voilà, pour Hugo Bienu, Kevin Mana, qui est les premiers auteurs qui sont sortis de Miu. Et maintenant Miu, c'est j'ai 25 capteurs d'écran là tellement ils font des choses. C'est Paul Grissel, c'est Alice Fizer, enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de choses, sachant qu'aussi, c'est ça qui est intéressant, ils travaillent aussi pas mal pour la commande. Pas mal de production télé. Ensuite, vous avez Gilles Cuvelier qui est connu. Alors, il n'y a pas de. Je ne sais pas si il y a une bande démo papier 3D. Donc, qui est connu notamment pour Edmond était un âne de Franck Dion, qui a eu le grand prix l'année dernière du festival avec. J'ai perdu ma tête. Connu aussi pour voilà, Love Patate de JQV qui est là, sachant que a priori on a encore des petits tests à faire, mais on aura peut-être mais voilà, en exclusivité mondiale le film de Gilles, le nouveau film qui vient de terminer, donc en fin de semaine, a priori jeudi Donc voilà, donc ça a un peu événement, je leur remercie parce que c'est voilà, bah, il a sorti il n'y a pas longtemps, donc c'est assez exceptionnel. Et Gilles a, et on parlera avec lui aussi de ça, pour les 10 ans, a créé un studio avec notamment Gabriel Jacquel qui est là, Bartolet qui est pas là, et Marine Blin au fond de la salle aussi. Donc en fait, on a voilà, trois quarts de train-train qui est ici, qui viennent visiter leurs 10 ans et qui sont au nord de la France, à la ville, à l'Italie. Et voilà, et qui, comme vous voyez, voilà, pour mettre des choses différentes, on lui demandera aussi est-ce que, pourquoi il a créé un. Allez voir le nouveau site de Train-Train aussi superbement réalisé par Cédric Villain, un autre personnage intéressant et fascinant. Et on finit par Florentine Grenier qui est connue pour Roux, mais évidemment dans l'un des films préférés de voilà, Florentine. Et Sommeil Paradoxal, un film qu'elle a fait en 3 jours. Une semaine. En une semaine, voilà. Et qui est voilà, quelque chose de. D'assez lâché, donc vous pouvez voir son autre film célèbre aussi qu'elle a fait alors en plus longtemps sur sa DS et qui est dans Pixel Joy qui est dans l'un des 3 programmes La joie de vivre. La joie de vivre érotique de bah, qui est fait cette année au festival. J'arrête là les images. Hop. Sommeil paradoxal ne veut pas. C'est bien de faire sommeil paradoxal, je pense que vous êtes fatigué. C'est mardi matin. À quoi sert un producteur? La réponse, on va peut-être commencer par Emmanuel Alain ou Manu qui sont les plus producteurs des gens qui sont autour de la table. Moi, pour moi, un producteur, si je dirais à quoi sert un producteur, je dirais ça chercher de l'argent. Est-ce que j'ai tort? Il y a un micro qui est là. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Vas-y, Emmanuel Alain. Donc. Ça marche, non? Ça marche pas, vas-y. Vas-y. Tiens, prends celui-là. Je vais allumer le vôtre. C'est... Oui, forcément, c'est ça, chercher l'argent, mais pas que. Disons que pour moi, le producteur, c'est un partenaire indispensable au réalisateur, enfin indispensable si le film est autoproduit, mais en tout cas dans un schéma classique de production. Certes, il va chercher l'argent, mais il est là aussi pour l'accompagner, au niveau artistique sur le développement, pour amener un peu de recul quand le réalisateur a la tête dedans et c'est plus. Et oui, il va aussi chercher l'argent et il rend le film faisable dans un cadre encore un peu classique de production, c'est-à-dire avec de l'argent. Je dis souvent que bon, il y a une particularité, c'est que le producteur, lui, il a une responsabilité pénale, on va dire. C'est hyper important à savoir, il est responsable de la bonne fin de l'œuvre, il signe des contrats, c'est lui sa société qui est responsable. Mais sinon, pour moi, ils sont à la même hauteur, on va dire, que le réalisateur. Et je dis souvent que ce qui est en haut de l'hiérarchie, c'est pas le producteur, mais c'est l'œuvre. Et du coup, le producteur et le réalisateur travaillent main dans la main pour faire exister l'œuvre, toujours celle de l'auteur, pas celle du producteur. Même si le producteur, forcément, s'approprie aussi à un moment donné l'œuvre, puisqu'il travaille aux côtés du réalisateur depuis toujours. Mais on est là pour faire les œuvres des réalisateurs. C'est vrai que quand je dis, parce que c'est compliqué toujours quand on travaille sur le développement, de à la fois être amené des idées pour que le réalisateur fasse son film, mais pas pour que le film devienne celui qu'aurait pu faire le producteur frustré. Donc on va revenir sur le côté argent, on va rester sur le côté artistique pour l'instant. Florentine, toi, il y a un micro pour l'instant, un petit problème, mais ça va être résolu. Mais voilà, donc toi, quand tu as commencé, est-ce que. C'était quoi pour toi un producteur quand tu as commencé à chercher un petit peu? Tu avais déjà toi des idées ou pas forcément sur ce qu'est un producteur? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Enfin, voilà, c'est un peu ce qu'on se dit en ce moment. C'est vrai qu'en tant que réalisateur ou gens sortant de l'école, alors à part La Poudrière, où là c'est vraiment spécifique, puisque déjà leurs films parfois sont produits, enfin, on les aide pour ça, mais c'est vrai que le reste des écoles en général, en plus on est beaucoup formés pour plutôt les. Les métiers techniques, il y a finalement peu de réalisateurs par rapport aux gens qui travaillent en production. Donc c'est vrai que quand on est jeune réalisateur, on est un peu livré à nous-mêmes. Un producteur, c'est quelqu'un qui... Moi, je m'étais dit, il faut un producteur, ça fait plus sérieux. c'est toujours, il y a une espèce de reconnaissance quand on est un producteur. C'est un peu, c'est quelqu'un qui nous a dit que notre projet finalement était faisable techniquement, financièrement, en tout cas qui il y avait assez de potentiel pour aller chercher de l'argent pour travailler dessus, donc c'est super, mais c'est vrai qu'on a tendance du coup à chercher et à accepter les premiers producteurs qui sont intéressés par le projet, en fait. C'est déjà tellement, et ça je le vois encore parmi mes étudiants, c'est vrai que voilà, quand un producteur s'intéresse à nos projets, c'est vraiment gratifiant. Et comme on ne connaît pas forcément plusieurs producteurs, on ne va pas forcément comparer ou se poser les questions qui sont: est-ce que ce producteur correspond bien à ce que je cherche moi pour un producteur? Parce que c'est vrai que les réalisateurs finalement ne cherchent pas forcément tous les mêmes choses. Et il y a des producteurs qui correspondent très bien à des réals et avec d'autres avec qui ça ne marche pas du tout. Donc c'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe d'aller de comparer ou d'aller voir même plusieurs producteurs. On n'a pas les bons réflexes et c'est vrai qu'on ne connaît pas non plus trop les producteurs. Moi, je sais, quand je suis sortie de l'école, il n'y avait pas encore le collectif qui s'était formé à l'époque. Donc c'était encore moins... Là maintenant, il y a quand même la page du collectif, donc on peut dire aux étudiants... Regardez au moins le collectif. Donc, le collectif qui est le collectif des producteurs d'animation qui, on le verra, existent. C'est ça. Donc, non, moi, je connaissais pas trop. Pourtant, moi, j'étais adhérente à la CAF, ça, je le suivais un peu. Mais ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit, je vais essayer de... J'avais mis des annonces un peu sur Internet et j'avais eu un premier producteur, mais qui faisait du live, qui était intéressé. Et je m'étais dit, bon, déjà, j'ai au moins, j'en ai un, je pourrais au moins prendre des stagiaires, c'est bête, mais je m'étais dit, si moi j'ai pas de sous, j'aurais au moins quelque chose derrière qui permettra d'avoir un peu d'assise. Et en fait, dans un deuxième temps, Olivier Catrin avait créé Les Trois Ours avec Serge Elissade et connaissait mon projet, était intéressé et m'a appelé pour me demander si j'étais intéressée, mais de moi-même, je pense qu'à l'époque, j'aurais jamais osé en fait démarcher des producteurs plus gros. Enfin, il faut aussi avoir un certain aplomb pour venir avec son dossier, aller voir les producteurs, aller en voir plusieurs. Enfin, c'est vrai que c'est un travail assez compliqué. On n'est pas du tout habitué en sortant de l'école. Toi, c'est un petit peu particulier le parcours, puisqu'en fait, tu as travaillé au Film du Nord. Gabrielle, elle a travaillé au Film du Nord. Tu as besoin d'un stage là-bas, tu as été là-bas. Et en fait, Arnaud Demain, qui est le producteur, avait vu ton projet. C'est ça, fin d'année des Gobelins. Et tu as dit, viens d'abord travailler dans la boîte et puis je te produirai ton projet un petit peu plus tard. Oui, c'était pas un projet des Gobelins, c'était un projet à part. Oui, donc, oui, c'est ça, moi j'ai commencé en tant qu'animateur au sein de cette production, donc les Films du Nord. Donc, t'as pas cherché. Moi j'ai pas cherché, il m'a proposé, donc c'est super. Quoi. Et le même jour, il y avait Sacrebleu qui m'a appelé aussi, qui voulait produire leur premier. Donc j'avais déjà signé avec Arnaud, puis c'était plus logique, étant dans le Nord moi-même. Non, moi, ça, pour le premier film, ça s'est fait très facilement. Et tu ne connaissais pas non plus forcément ce qu'était un producteur, enfin, en tout cas, le court-métrage, mais plus là-dessus, sur la production de court-métrage aussi. Toi, tu n'avais pas forcément d'idée ou... Non, pas trop. Puis il y avait beaucoup moins de producteurs à l'époque de court-métrage. Je découvrais en même temps, quoi. Et même Arnaud, il faisait de l'animation, mais c'était aussi un peu ses débuts dans l'animation à cette époque-là. Est-ce que. Peut-être que je vais demander au producteur, est-ce que la base même, en tout cas pour les gens qui sont là et qui voudraient, c'est aussi comment le producteur vous parle. C'est-à-dire d'un seul coup, comment on reconnaît un producteur qui va vraiment être intéressé par un projet et juste un producteur qui est là parce qu'il a besoin de trouver du monde et puis qu'il recherche n'importe quel projet, mais en tout cas il va essayer de pêcher un petit peu partout. Je sais pas, parce que tout le monde me dit ça. Quand j'ai fait des interviews de producteurs, on me dit, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'œuvre, c'est le travail, c'est la rencontre. Sauf que c'est difficile, parce que comme le disait Florentine, une rencontre, quand un jeune, notamment jeune créateur, une rencontre, on a tellement envie d'en avoir à un moment donné qu'on est prêt, pas à tout, mais d'un seul coup, quand un producteur a des beaux mots comme ça, on se dit, bon, c'est génial, il a tout compris de mon film, etc. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui est. Manu, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui eux leur ferait dire, tu peux leur dire, je sais pas, ils doivent vous parler d'argent de suite, ils doivent vous parler avant tout d'artistique, et c'est quoi le discours d'un producteur vraiment intéressé? C'est avant tout, c'est l'œuvre, c'est artistique, c'est la sensibilité qu'on peut ressentir nous vis-à-vis d'un projet qu'on nous propose, et après la rencontre avec le réalisateur, si on a d'abord reçu un projet papier. Mais c'est difficile à être très précis parce que c'est très subjectif de toute façon. Et après, on peut. Il y a des producteurs qui regardent tout ce qui se fait, que ce soit les films d'école ou tout ce qui se fait autour, et après les envies de travailler avec des gens dont on a vu déjà le travail. Après, pour les nouveaux arrivants, bon, nous c'est un peu différent parce qu'on a quelque part cette chance-là en sortant de l'école où on reçoit une centaine de dossiers chaque année, donc on voit passer une centaine de projets et de futurs réalisateurs et réalisatrices, et on fait déjà une sélection, donc on fait déjà une sélection subjective avant tout sur le travail qu'ils nous proposent. Et là, c'est dans un exercice très précis, puisque c'est sur l'adaptation d'un poème, mais on regarde ce qu'ils ont fait dans leur école, ou s'ils sont déjà sortis, ce qu'ils ont fait, et voir si ça correspond aussi à ce qu'on pense, aussi pour le... Ce qu'il ne faut pas oublier, nous, en tout cas, sur le centre d'école, c'est que la finalité, ça reste quand même une diffusion à la télé pour les enfants. Donc, ça limite aussi ce qu'on est capable de... ce qu'on a envie, ou ce qu'on voudrait faire. On a un cadre, nous, qui est en tout cas pour le centre d'école, évidemment, qui est obligé aussi de rentrer dans certaines cases, mais sinon on a une énorme liberté quand même, parce que France Télévisions fait confiance, mais c'est un peu différent que là d'autres producteurs. Emmanuel, toi, entre quand t'as Drissen, qui a déjà fait des dizaines de contrats, ou les Cranotes, pareil, qui eux se connaissent bien, je pense que ça va être différent. Est-ce que tu parles différemment à eux que par exemple là, à X-Fizet ou à un directeur, ou je sais pas, à Malaké Bienvenue au moment où ils ont commencé avec toi ou, Le rapport est le même. Le rapport est le même, mais après, je pense qu'il y a un rapport. Je pense que c'est, pour répondre à ta question, c'est compliqué, c'est quelque chose qu'on doit sentir dans la relation. Il y a quelque chose de l'ordre du couple, hein, entre un producteur et un réalisateur. Donc il y a quelque chose un peu de l'ordre de la séduction. Il faut être à la fois avoir envie. Avoir envie pour un auteur, ça peut être aussi avoir envie d'inscrire dans le cadre de l'œuvre d'un producteur, c'est un catalogue. Donc on s'inscrit dans ce catalogue. Dans le court-métrage, les œuvres sont plus courtes, donc du coup c'est plus court à fabriquer et à financer. On a la chance de pouvoir avoir plus de, on va dire, de variété dans les catalogues, puisqu'on peut tenter beaucoup plus de choses. Dans le court-métrage d'animation, par exemple, on voit que c'est compliqué, c'est tellement long de monter un projet. Donc il faut déjà avoir une envie de s'inscrire dans ce catalogue-là, et puis après il faut, au début, dans la relation, je pense, se faire simplement à l'aise, avoir envie de... Moi, c'est une question que je me pose toujours quand je parle avec un réalisateur, de me dire, bon, à partir du moment où on va partir ensemble, on va avoir à peu près 2 ans de temps de fabrication du court-métrage, et puis 2 ans de vie en festival. Donc on va se voir pendant 4 ans. Est-ce qu'on a envie de se voir pendant 4 ans? Est-ce qu'on a envie de parler? Est-ce qu'on a envie de passer des moments ensemble? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est toujours compliqué? Mais je pense que oui, il faut le voir dans cet angle-là. Est-ce que c'est un moment à passer? Il faut qu'on ait des métiers de passion et la notion du plaisir, elle est fondamentale dans ce qu'on fait. Donc il faut qu'au mieux possible, on se dise qu'on va passer un bon moment ensemble et on va tout faire pour que cette œuvre soit la plus belle possible. Florentine, toi, il y a... ce côté plaisir. Je sais que ça n'a pas été toujours facile par rapport au producteur, trouver un producteur. Là, tu es plutôt satisfaite, on va dire, de celui que tu as pour le moment, mais il y a eu des hauts et des bas. Pourtant, il y avait ce plaisir au début, non, dans la conversation C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il faut vraiment avoir, mais ça au début, on ne sait pas nous-mêmes, mais c'est vrai qu'il faut voir ce qu'on attend du producteur. Je sais que, et ça, c'est une vraie réalité. Il y a des réalisateurs qui ont besoin d'être assez tranquilles, qui vont travailler seuls et qui finalement ont assez de solitude, ou en tout cas qui ont à côté des retours d'amis, de gens, et qui ont déjà, en gros, des gens pour les aider. Il y en a d'autres. Moi, je sais que à l'époque, j'étais en université, j'étais pas dans une école d'animation traditionnelle. Et c'est vrai que du coup, j'attendais de mon producteur un suivi assez constant, ou en tout cas vraiment une aide peut-être un peu plus présente que finalement ce que j'avais trouvé. Et ça, finalement, c'est quelque chose dont il faut parler, je pense. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est une rencontre, c'est une discussion. Et je pense que voilà, le réalisateur, il arrive aussi avec ses envies ou sa façon d'envisager sa relation avec le producteur et vice-versa. Donc ça, ça dépend vraiment avec le recul. C'est vrai que quand on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas aussi, c'est ça aussi. Quand on est réalisateur, c'est avec le producteur, au début, c'est très important, on n'ose pas trop lui parler. Enfin, j'entends les autres réalisateurs, mais quand on en parle, on retrouve un peu les mêmes choses. Et je pense qu'il faut oser reparler avec le producteur de ce qui peut marcher ou pas. Et je pense qu'il faut aussi parfois oser se dire, ben, si ça ne marche pas, je peux changer de producteur. Et ça, c'est très compliqué de se faire cette réflexion-là, de se dire peut-être au bout d'un moment, si ça ne marche pas. pourquoi pas changer de producteur. Et ça, c'est on peut changer de producteur, c'est-à-dire que c'est très compliqué. Il y a un contrat prédéfini. Alors, quand le contrat n'est pas signé, voilà. Oui, c'est ça. C'est parce que pas signé, Il se trouve que, oui, moi, le contrat n'était pas signé à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que le contrat est signé, il faut... Avant de signer le contrat... Quand signe le contrat, voilà, c'est ça. Quand signe le contrat, c'est là où c'est important de se poser toutes ces questions-là, de voir ce qu'on attend. Et justement, la signature du contrat, je pense qu'elle est très importante parce qu'elle doit mettre à plat tout l'échange qu'il y a entre le réalisateur et le producteur. Mais c'est vrai que tant que le contrat n'est pas signé, parfois les réalisateurs, il y a une espèce d'engagement moral et donc ils n'osent pas trop. C'est vrai qu'on peut chercher un autre producteur si ça se passe bien. Et même quand on cherche pour un projet, c'est vrai que c'est pas très bien vu parfois d'avoir proposé le projet à plusieurs, mais en même temps, comme il faut quand même voir si ça fonctionne ou pas, il faut se donner cette liberté-là, je pense, d'aller voir quand même plusieurs producteurs et de voir lequel correspond le mieux. Donc ça, c'est très difficile. Ça, c'est vraiment très aujourd'hui, difficile. Aujourd'hui, ça veut dire regarder sur Internet, regarder, comme disait Marianne, c'est le catalogue du producteur, dire, bah, tiens, ça, mon film, il rentre bien dans la case du producteur, et n'en choisir que deux, trois. Oui, bien sûr, sélectionner, enfin, pas faire tout le collectif, mais déjà sélectionner ceux qui correspondraient. Et voilà. Mais ce qu'il faut oublier par rapport au catalogue, c'est que. Quand un producteur fait quelque chose, il ne va pas forcément faire la même chose qu'en 20 ans, 30 ans. On ne produit pas. Enfin, ce n'est pas systématique de parce qu'on a produit quelque chose, on va le dupliquer et chercher que des projets qui ressemblent à ce qu'on a fait déjà la première fois. On peut faire des choses très, très, très variées et très différentes. Donc, je pense que c'est la rencontre avant tout. Et on est quand même dans un milieu de communication, quoi qu'il arrive, et qu'il faut se rencontrer, il faut parler. Il ne faut pas avoir peur de parler, de poser toutes les questions qu'il faut, quelles qu'elles soient. Il faut oser, en fait. Et voilà, c'est toujours difficile quand on débute. Non, je voulais juste sur la question du catalogue. Juste tout à l'heure, tu parlais de vouloir s'inscrire. Après, je veux dire, même si on peut voir, mais dans des producteurs d'animation, il y a des producteurs qui se spécialisent. Voilà, si on veut faire un court-métrage auteur, jeune public, on va plutôt aller chez Arnaud Demarc. Voilà, il y a des tendances. Il y a des tendances. Et après, sur le contrat, c'est juste, c'est terrible pour les auteurs parce que d'un coup, ils se retrouvent face à un contrat qui est quand même souvent habitable. Donc, nous, on a un devoir de pédagogie là-dessus, mais en plus, le contrat s'appelle cession de droit. C'est hyper violent quand tu prends le mot cession de droit quand tu es un auteur et que tu dis ah, donc je vais signer ce papier, tu vas me prendre mes droits. Donc, voilà, il faut vraiment expliquer, rentrer dans les détails du contrat. On laisse énormément de temps, on laisse les auteurs venir plusieurs fois. Parce que autant sur la série, il y a souvent des agents, autant sur les plans métrages, il n'y en a pas. Donc voilà, on essaye de vraiment rentrer dans les détails. Il y a aussi d'autres conseils qui peuvent être consultés. On invite vraiment les auteurs, quand ils signent, à être sûrs de ce qu'ils signent. C'est-à-dire à prendre vraiment confiance. Sinon, c'est mal parti. Si on base un début de relation, ça c'est comme les relations ou l'amitié. Si on base un début de relation sur quelque chose qui est déjà, il y a un sentiment un peu de méfiance, voilà, il faut être le plus transparent possible. Avant de repasser à la parole, j'ai une question. Yves, toi, c'était ça, c'était la rencontre. Tu rentres, on sait, Festival Image par Image pendant des années. Tu travailles sur tout ce qui est dans le Val-d'Oise, éducation à l'image, etc. Et d'un seul coup, tu te lances cette année, il y a un an ou deux ans, c'est la rencontre avec Alex Eliel qui, d'un seul coup, te fait dire c'est trop bête, enfin voilà, il faut que je le produise. C'est ce moment-là ou c'était déjà un petit peu avant l'envie? Non, en fait, c'est le. En fait, c'est un peu dans la. Pour parler du travail au festival, en fait, c'est nous, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de jury, il n'y avait pas de prix. Donc, c'est un lien fragile entre l'œuvre, l'auteur et le public. Et donc, par rapport aux événements dans les autres des salles qu'on organise, etc., parfois, ça peut être très fragile. Et voilà. Et en fait, nous, de façon dont on travaille sur le festival, c'est vraiment de pas thématiser l'animation, mais. D'essayer, même c'est y compris pour le jeu de public, de parler d'un auteur, de plusieurs films. Et le travail de programmation se fait sur des années, en fait, au Clancy. Et c'est pas parce que je vois la compétition qu'elle va être programmée l'année prochaine. Donc en dernier, cette année au festival, on a passé le COD Coquelicot parce que ça correspondait au fait qu'elles avaient eu un prix dans un festival de maison d'arrêt à Oni et qu'elles ont fait un atelier. Et le film, il y a eu 3 ans, il n'y a pas de date de péremption pour les films. Et donc le travail, en fait, l'idée est venue comme ça, en fait. C'était, et à l'essai, en effet, quand le lien de confiance dans la diffusion et dans le festival, du coup, en fait, moi, j'ai gagné cette confiance, là, on prépare la 18e édition du festival, dans les années par rapport aux auteurs, parce que finalement, le festival, il grandit d'année en année et on met en place quelque chose qui devient pérenne et puis il y a des gens qui reviennent. Et on dit toujours mais pourquoi ils reviennent dans Valois, c'est pas hyper sympa. Et en banlieue parisienne, enfin voilà. Et en fait, ça se fait. Et peut-être que le déclic, c'est quand on a fait les 15 ans en fait, du festival. On a fait un cadavre exquis des 15 ans. Et en fait, l'idée n'est pas du tout venue moi. C'est en discutant avec Florence Miaille et Sébastien Dodenbach à l'ouverture de la fête de l'animation. Et je dis, ah oui, tiens, ça va être les 15 ans, c'était au mois d'octobre. Et puis ils me disent, ah, il faudrait faire un cadavre exquis des 15 ans. Je dis, jamais j'aurais osé ou pensé à le demander. Et en fait. Les piles sont. Tiens, moi je. Bon, pardon, j'ai été un peu long, mais jamais j'aurais pensé à demander. Et c'est eux qui m'ont dit, bah voilà, on va faire le cadavre exquis. En fait, on a demandé à tous les auteurs, les réalisateurs qui étaient venus dans les années précédentes, s'ils voulaient y participer. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, on a travaillé avec Marcel Villouin, qui nous a filé un coup de main. Et en fait, c'était un peu un premier job de producteur. Et surtout, et en plus, c'est gratuit, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait un beau livre de Florence Miaille à tous les auteurs qui ont participé. Mais c'était, en fait, il y avait un film, quand même, qui a été dans plein de festivals, distribué par Michael Bach. Enfin, voilà, donc c'était hyper chouette, quoi. Et du coup, c'est venu là, et voilà, donc ça vient là. Et Alexei, c'est parce qu'il est venu au festival, et on a fait avec lui des séances assez extraordinaires, et on a projeté ses films, Love Jam, Go Go Babies, à des enfants de 2 à 5 ans, 6 ans. Et il n'y avait jamais eu projection pour des tout petits, des, comme on appelle, des preschool. Et ça l'a vachement touché, en fait. Et il est revenu plusieurs fois, et puis le festival, bah, quand un auteur vient, bah, c'est moi qui conduis, quoi. Donc on est. On passe du temps, c'est aussi le plaisir d'être vraiment, de passer du temps et la logistique, entre guillemets, la logistique, elle fait partie du plaisir. Et donc ce lien, il sait, bon après Alexa, il boit un peu de la vodka, enfin voilà, mais peu importe. Mais il est venu à la vraie c'est ça. Non, mais on est tous un peu. On est tous, hein. On est tous drogués. Voilà, déjà, première chose, n'oubliez pas, buvez. Si vous voulez faire premier. Non, moi, on a déjà un premier truc. Vous n'êtes pas complètement pour rien. Et vous avez bien premier. Pardon d'être long, mais du coup, Alexei, il est venu à une ouverture du festival et mes collègues lui ont proposé un projet. On a déposé à Cyclique et en fait, dans la commission de Cyclique, il y avait Benjamin Renner notamment, qui a vraiment soutenu très fort le projet, il a été déterminant pour que le projet passe. Et nous, on a mis tout, ben, le paquet, il était en Hongrie avec ça, il est venu à l'oral, à l'audition, on a préparé, ben, j'imagine, j'apprends hein, le métier, et puis les choses se font sur le contact. Et aussi, par exemple, Claude Delafosse, qu'on va produire, qui a une aide à l'écriture, eh ben, lui, en fait, ça fait des années avant de savoir que je disais, mais fais un film. Et du coup, c'est lui qui est venu me voir l'an dernier en me disant maintenant que t'es producteur, t'es un peu dans la merde, tu vas être obligé de produire mon film parce que tu m'as trop tanné. Mais ça se fait sur le même mode fragile. Voilà. Et Sophie Racine, c'est un peu la même chose. Alors, on va commencer. J'ai un quart d'heure, mais avoir quelques petites questions, puis je vous laisserai la parole juste après. Jugy, Papy 3D, a été écrit quoi? Parce que vous étiez quelques auteurs, on avait un peu marre de la relation avec. Des producteurs que vous n'aimiez pas forcément ça et que vous dites on connaît un peu hein, les histoires de la 3D, mais il y a eu ça, dire bon, ça commence à bien faire, on va prendre notre. Non, à un moment, on s'est retrouvés tous d'accord sur un point et pour des raisons différentes chacun, d'ailleurs, on avait tous fait un film avec un producteur, ce qui est plus ou moins bien passé selon les réalisateurs, et on s'est dit bah tiens, moi par exemple, pour mon cas, je me voyais plus trop en fait dans ce que me proposait Arnaud. Éditorial, c'est vraiment effectivement, il n'aurait jamais produit mon second film en fait quand il l'a vu faire. Ouais, non, j'aurais pas produit. Donc il y a une envie de dire bon ben, on va essayer de monter une boîte de production, on va pour produire nos propres films. Nous, on avait des affinités d'abord d'amitié ensemble avec Franck, Sarah, Richard, Jérémy, Pierre, enfin les membres de la vie 3D. Il s'est trouvé que Richard ça lui disait de gérer tout ce qui est la partie vraiment pénible de la production. C'est pour ça que moi, je ne me dis pas producteur, mais je suis associé dans une boîte de production. On gère l'artistique, mais le côté technique est très important. Et donc, pas de bol pour lui, ça lui est tombé dessus, mais il adore ça, il est informaticien. Donc, et du coup, ben voilà, on partait de rien, et c'était surtout l'envie de maîtriser de A à Z en fait le budget d'un film. Moi, j'avais besoin de connaître où chaque euro va, dans quel poste, dans quel voilà, et ce que je n'avais pas forcément avec d'autres productions. Alors, ça, c'est les deux grands problèmes, on va dire. Les deux d'entre chacun qui veulent répondre, c'est à partir de quand vous trouvez que, en tête des deux réalisateurs, un producteur va trop loin, alors pas dans l'économique, dans l'artistique, puisqu'on parlait ainsi. De quel moment, c'est-à-dire qu'un producteur peut dire, bon, là, ton montage, faut le refaire. Là, En fait, c'est juste, il y a des réalisateurs pour lesquels ça va très bien, ils ne veulent pas savoir, en fait. On leur donne juste les moyens de faire, et peu importe comment. Et je ne dis pas que le producteur va mal gérer l'argent ou il est malhonnête, c'est pas ça que je dis. Hein. C'est juste que moi, c'était un besoin de vraiment maîtriser toute la chaîne. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on a d'abord pourri nos films, et c'est toi ta question. La question est plus, mais parce que j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur l'économique, vraiment tous les deux sur l'artistique. C'est à partir de quel moment, par exemple, tu te dis. Parce que là, en fait, avec Papy 3D, vous n'avez pas forcément. Vous pouvez avoir des retours si vous voulez, vous n'en avez pas si vous voulez, en disant aux potes, là, bon, voilà, je fais mon film, et puis je me débrouille. Avec Arnaud, par exemple, et ensuite Florentine, est-ce qu'il y a un moment donné où vous dites. Vous mettez une barrière et vous dites non, là, ou ensuite avec Hélène Bessière ou Pascal Faure, enfin, etc. Est-ce qu'il y a des moments donné où vous dites non, surtout là, c'est mon montage, il est définitif et vous tenez là-dessus en disant, enfin, voilà. Ça dépend vraiment de chaque réal et de chaque prod. Hein. Il n'y a pas une règle. Moi, à l'époque, donc, il y a 15 ans, on m'a embêté, Arnaud m'a pas embêté pour mon film, Hélène Bessière non plus. Elle m'a demandé de changer un plan, je crois. Un point de montage très anodin, quoi. Donc, moi, il y a d'autres réalisateurs pour lesquels c'est plus compliqué. C'est-à-dire que, ouais. Bon, bah, tout dépend des modifications qui peuvent être demandées. Si on les justifie à un producteur et que c'est pour le bien du film, c'est en général si on fait des dons. Alors, il y a des gens qui sont fous dans tous les sens, aussi bien réalisés qu'en programmation qu'en production. Mais en général, si on fait. On demande des modifications, que ce soit en montage, que ce soit en fabrication, ça se justifie. Donc après, c'est aussi une discussion pour dire pourquoi on pense que c'est mieux. Après, on est en France, pas comme aux États-Unis, il n'y a pas de Tyler Cut, enfin, c'est pas le producteur qui décide au final, c'est le réalisateur, mais en général, c'est de bonne entente entre les deux. Mais ça veut dire que vous me dites qu'en fait, l'auteur doit absolument savoir ce qu'il veut, alors on sait bien que c'est compliqué, déjà il travaille, et il y a absolument une obligation de savoir, de comprendre. Finalement, qu'il a besoin d'être drivé un petit peu plus longtemps par le producteur, ou qu'au contraire, il faut qu'on lui foute la paix. Mais nous, sur un film, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est responsable pénalement, enfin, on doit fournir l'œuvre à la fin. Et on ne pensait pas que ça nous arriverait, mais on a dû le faire pour un film, de devoir dire au réal, écoute, là, tu ne finiras jamais ton film, il faut qu'on trouve une solution pour le finir. Est-ce que tu es d'accord? Voilà, tu arrêtes, et nous, on finit avec tes indications, mais repose-toi, parce que tu ne le finiras jamais. Et on a dû le faire. Je ne pensais pas que ça m'arriverait. Mais parce que sinon, on pouvait couler la boîte avec un film. Puisque nous, voilà, c'est une économie très particulière, très fragile. Et si on rend pas un film au CNC, nous, on n'a pas de budget d'avance chez la Vie 3D. Donc, on ne va pas être payé. On va devoir rembourser des frais. On peut mettre la clé sous la porte. Donc, c'était à contre-cœur. Et vraiment, on ne voulait pas le faire. Plus que ça se reproduise, mais on a été obligé de le faire pour le bien de tout le monde. Quoi. Florentine, ça veut dire qu'il y a un combat, il y a un combat aussi mineur, parce que quand on dit rencontre, c'est bien joli, enfin, voilà, et elle est là au début, mais ensuite, l'auteur et le producteur doivent de temps à autre, après tout, tu filais la métaphore amoureuse, un peu aussi comme dans une relation entre vos amitiés, de ne pas toujours être sur le même niveau en disant tout est beau, et de pouvoir se battre à un moment donné avec son producteur. Alors, déjà Florentine, ensuite Emmanuel, tu réagiras. Moi, je n'ai pas les problèmes de sous, puisque je n'ai jamais eu de sous pour faire mes films. Là, c'est la première fois que je vais avoir un film où on a eu deux régions, mais la plupart, enfin, je en précise qu'effectivement, j'ai fait un film produit roux, mon tout premier film, et ensuite j'ai fait de l'autoproduction, parce que, effectivement, de toute façon, voilà, en tout cas, Roux n'avait pas eu de sous, et c'est aussi pour ça que finalement, je trouve que les producteurs n'avaient pas forcément fait leur travail, parce qu'effectivement, si un producteur s'engage à faire le film, parfois, il faut qu'il se bouge pour trouver des sous. Bon. Voilà, ça, c'est comme ça. Mais j'ai jamais eu de... Du coup, comme j'ai pas eu de financement, bah, pas eu de problème de budget. Mais en tout cas, de ce que je peux entendre, effectivement, là où il y a des rancœurs par rapport des réalisateurs par rapport aux producteurs, c'est souvent parce que les réalisateurs qui ne connaissent pas bien le métier de producteur et qui entendent des budgets pour un petit étudiant qu'on sort de l'école, c'est-à-dire qu'un budget de court métrage c'est au minimum 60 000 euros et ça va jusqu'à 150 voire 200 000 pour du volume par exemple, c'est énorme pour nous, enfin, ça nous paraît, et on comprend, enfin, et parfois un réalisateur peut se dire, bah, tiens, j'ai eu ça, je sais que mon budget en tout c'est 85 000, mais je ne sais pas où c'est parti, et moi-même finalement je me dis, enfin, quand finalement ils n'ont pas, je pense que tous les producteurs devraient regarder le budget et expliquer un peu au réalisateur pour pas qu'il, parfois c'est incompréhension, parce qu'ils ne savent pas où est passé l'argent, ils se disent, enfin, quand c'est pas clair et qu'on a des questions, je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut en parler au producteur, il faut oser le faire. Mais c'est pas forcément au producteur, parce que tu dis le producteur doit en parler au réalisateur, ça arrive de temps en temps, mais pas tout le temps, c'est plutôt au réalisateur de dire, là j'aimerais qu'on s'assied autour d'une table et qu'on discute réellement, savoir où chaque euro part, et surtout qu'aujourd'hui, comme tu dis, il y a des budgets qui peuvent être très importants, on peut avoir quand même des 200 000 euros, c'est rare, oui, c'est rare, mais il y a quelques projets quand même qui peuvent être à 200 000 euros, quoi. Oui, bah en tout cas, moi, je pense que je demanderai à voir avec mon producteur. Et aussi parce que c'est aussi intéressant de savoir comment c'est fait. Et de, voilà pourquoi on dit qu'il faut au minimum 60 000 euros si on veut vraiment en payer tout le monde. Etc. Ce genre de choses, c'est bien de voir exactement où ça part et comprendre comment on fait du court-métrage. C'est bien de comprendre quelle est son économie. Mais pareil, moi, ça m'intéresse de le savoir aussi. Donc, ça veut dire que, bah, et après, je laisserai répondre. J'ai demandé de dire qu'aujourd'hui, l'auteur, le réalisateur, ne peut plus être un réalisateur juste. Entre guillemets, il y en a qui peuvent l'être, en tout cas dans ce cas-là, ils peuvent plus peindre, entre guillemets, ils peuvent pas être un réalisateur juste sur l'artistique en disant non, laissez-moi tranquille, je veux être dans mon monde et je veux faire, mais il doit aussi s'occuper de se dire bon, alors c'est bien gentil, mais où va l'argent, qu'est-ce qui se passe avec cet argent, on vient d'avoir 50 000 euros du CNC, où on vient d'avoir ça, et il est obligé de s'occuper de ça, en fait, et de savoir combien coûte un animateur dans la journée, etc. On peut savoir, oui, c'est bien de savoir en gros, parce qu'effectivement. Après, tous les retours mauvais des réalisateurs, ou un peu toutes les rancœurs, elles convergent toujours vers ce même point. C'est le point un peu de l'argent qui ressort, mine de rien, même si ce n'est pas le plus important, même si le projet, justement, le projet a été le plus important au moment où on faisait le film. Donc, les réalisateurs, on en parlait avec d'autres, on a tendance à même dire, c'est pas grave, paye-moi moins, tant que tu fais mon film. Enfin, on accepte tout et n'importe quoi, on veut faire le film. N'empêche que, après coup, souvent, ces questions financières ressortent parce qu'elles n'ont pas été posées, il y a eu des questions en suspens. Et ça fait des rancœurs qui sont parfois injustifiées, mais voilà, je pense qu'il vaut mieux prendre les devants et savoir un peu les choses. Gilles, parce qu'en plus, tu disais que c'est important, et maintenant tu sais, c'est bien payer les gens, les stagiaires, être sûr que chaque personne, on va dire, a son juste dû, et non pas dire, oh, bah, tiens, tu vas travailler, tu as la chance de déjà travailler pour ce film-là, et, hein, voilà, genre, tu veux pas en plus être payé, faut pas dire n'importe quoi. Et, donc, toi aujourd'hui, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est inclus dans ta tête quand tu regardes, tu sais. Faire un devis et. Oui, à force quand même. On sait, moi j'ai fait mon dernier film avec 100 000 euros, il fait 16 minutes 30. On était deux animateurs, mais on était bien payés. Enfin, moi j'ai été payé correctement sur le film. J'ai payé les gens le nombre de jours, ils n'ont pas fait de jours supplémentaires. Voilà, après c'est. Mais je me suis adapté au budget, c'est-à-dire que le film en long. Si j'avais eu 150 000 euros, c'était encore mieux. J'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu peaufiner certaines choses. Mais voilà, après, c'est un rapport. Et je ne me plains pas du tout d'avoir 100 000 euros. Ça paraît des sommes déjà énormes. Mais voilà, quand on veut faire les choses correctement, payer les gens, les charges sont très fortes. Un film, ça coûte cher, quoi, tout simplement. Quoi. On passe. C'était 8 mois de. Enfin, 8 mois pour moi et 3 mois à peu près pour les autres, de fabrication. Non, c'est important, c'est important. Vous verrez hein, la différence évidemment avec aujourd'hui ce qui se dit, et on a la chance, encore une fois, on ne va pas se plaindre par rapport à ça, mais vous verrez mercredi, on aura notamment la Géorgie, des réalisateurs géorgiens par rapport à la condition perspective. Et donc, qui recommence. Et donc, évidemment, les problèmes d'argent sont différents. On va dire déjà, il faut réussir à faire le film. Et il y aura un réalisateur indien et libanais qui travaille sur l'homosexualité. Et ça m'intéressait de voir aussi comment on travaillait là-dessus. C'était assez intéressant. Et notamment, je conseille de venir, parce que le réalisateur indien a un projet de long métrage. Et je l'ai vu récemment dans un festival. Et il disait que son long métrage allait coûter 150 000 euros. Alors que déjà, nous, on est épaté quand Sébastien Baudelbach fait un long métrage à 400 millions. C'est vrai que c'est un peu complexe. L'idée n'est pas forcément les budgets. L'idée, c'est, je crois que ça a été dit, peut-être que vous comprenez, c'est vraiment de comprendre finalement où chaque euro est mis. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce que vous parlez avec ça, par exemple, toi, Madeleine? Est-ce que vous parlez avec les auteurs? Est-ce qu'il y a des auteurs qui demandent? Est-ce que les auteurs, je sais pas, Madeleine, qui je te fais confiance, nous, on ne veut même pas en entendre parler, voilà. Et par contre, d'autres qui vont dire, tiens, j'aimerais bien là... Alors là, je vais juste revenir sur l'artistique, ouais. Déjà, puis j'enchaînerai sur l'économique. Sur l'artistique, je donne souvent cet exemple. Producteur travaille avec un producteur, en tout cas, le travail, oui. C'est de donner des coupures dans les fondations. C'est-à-dire que quand tu dis il faut remonter, est-ce qu'on peut imposer ça? Nous, on est là, je parlais tout à l'heure du recul, on a moins la tête dans le bidon de Potter, qui pense son film tous les jours, tout le temps, nous, c'est pas le cas. Un film, c'est comme un bâtiment, il faut qu'il y ait une bonne chape, il faut qu'il y ait les fondations. Donc la métaphore sur les fondations et sur les bâtiments marche au développement, mais on peut aller. Jusqu'au bout de la fabrication d'un film avec ça. C'est-à-dire que moi, quand je donne un coup de pied quelque part, c'est que ça me pose un problème. Si derrière le temps, on me répond, ça te pose un problème, et moi, ça ne m'en pose pas, parce que là, c'est une des chapes de mon film, c'est une des clés de voûte de mon film, et c'est hyper important pour moi. Même si ça ne me plaît pas, je vais l'accepter, parce que je sens que l'auteur va au bout de ses intentions, et que je suis là pour faire son film, encore une fois. Mais, par contre, s'il est déstabilisé en disant, ah oui, t'as raison, là, ça ne tient plus, et ben il a retravaillé, mais je ne l'ai pas imposé à retravailler. On a réfléchi ensemble sur son film. C'est la même chose à la fin sur les montages. Le montage, c'est compliqué, c'est qu'on arrive après une longue période de stress, de travail, et qu'on est souvent fatigué, et que l'auteur a souvent du mal à lâcher le bébé, parce que derrière, ben, le film ne lui appartiendra plus. Donc c'est des moments qui sont psychologiquement très compliqués. Et c'est un peu la même chose, c'est de discuter, de prendre toujours la bonne direction, c'est ça qui va dans son cœur. Donc c'est une discussion, c'est pas imposer, c'est pas dire tu me pousses ça, parce que c'est discuter avec lui en disant je crois que là tu perds tes intentions. Et je te le dis parce que j'aime ton film, j'aime ses intentions, parce que je l'ai choisi au départ pour ça. Et que c'est pour le bien du film. Et cette discussion-là, si elle se fait de façon saine, si elle se fait, tu parlais de ton combat tout à l'heure, si elle se fait dans la violence, c'est pas bon. Mais après, sur ce combat-là, là aussi, notre métaphore, je suis en forme, mais. Le tennis, c'est intéressant aussi. Sur des gros projets où, par exemple, tu as des scénaristes, tu as des réalisateurs, tu as des producteurs, cet affrontement il est important notamment. C'est-à-dire que sur le long métrage avec Hugo et Kevin, auteur Jean-Luc et Patrick, et ben, il y a un moment où les auteurs se voient, les auteurs ne vont pas être d'accord avec les scénaristes, ils vont jouer ensemble et puis ils vont se trouver finalement un texte, un scénario qui leur convient, et après, hop, on se retrouve sur le même cours de tennis, sauf que c'est les producteurs d'un côté et les auteurs de l'autre pour défendre les points de vue, et voilà, donc ça c'est des combats sains, mais faut pas que ça soit violent. Juste pour rester sur l'artistique, c'est intéressant, c'est qu'un auteur doit comprendre finalement, et c'est des fois compliqué parce qu'on est dans son film, on est de le faire, qu'en fait finalement, un producteur a tellement d'autres projets qu'il ne peut pas être à 180% sur uniquement un projet. Et c'est, non, parce que ça peut être l'un des vrais problèmes, c'est-à-dire que d'un seul coup l'auteur appelle et se dit « mais moi » et que l'autre est déjà sur un autre projet, il se dit « oui, non mais attends, là je te reprends dans le chapelle. » On est dans une relation amoureuse, donc il y a une jalousie aussi auprès de certains auteurs qui vont dire « voilà, mais toi tu travailles. » Et sauf qu'un producteur peut avoir plusieurs amants ou des créateurs. C'est compliqué pour nous de produire un film, on est obligé de produire plusieurs films, parce qu'on a des frais généraux, parce que un studio d'animation, c'est les mètres carrés. Que si on n'a pas envie de les remplir avec autre chose que des projets qui nous habitent, et ben, il faut. Voilà, donc ça, c'est des réalités économiques qui sont hyper importantes. Ça touche aussi à la question du coût des films, forcément. J'ai perdu la question. C'était juste l'idée que les auteurs comprennent. Cette idée de se dire qu'on n'est pas exclusif. Non, c'est à nous de nous rendre disponible le plus possible au moment où l'auteur a besoin de nous. Mais c'est vrai que le temps d'un auteur, c'est très compliqué pour un auteur aussi financement d'un film. C'est-à-dire que nous, on a les mêmes déceptions ou les mêmes joies quand on a une aide. Sauf que le temps d'attente entre le dépôt et l'aide, qui est souvent 3 à 4 mois, nous, on le vit différemment parce que notre calendrier de. Un auteur, il va attendre une réponse pendant 4 mois. Nous, on en attend plusieurs. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est plus ou moins déçu quand on. Mais ça veut dire que simplement, c'est pas le même temps. On n'est pas sur les mêmes. Ensuite, sur l'argent, il y a un gros problème. Juste sur l'artistique, même. Juste sur l'artistique, il y avait une autre chose aussi. Et c'est là où c'est la grande difficulté, quelque part. C'est que quand un producteur, nous, on reçoit un projet, on lit un scénario. comme quand on lit un livre et qu'après on s'est adapté au cinéma, on est toujours déçu parce que on se fait notre propre idée de ce que va être le projet au final. Et quand on refait un scénario, on imagine aussi ce qu'au final va être le film. Et quand l'auteur, réalisateur réalise le film et qu'au final il est parti sur une direction trop éloignée, c'est là où aussi il peut y avoir des problématiques de se dire ah oui, mais là il faut couper ça parce que on n'avait pas cette vision-là. Et c'est là où c'est très important la discussion de bien faire le même film dès le départ. Parce que c'est là, si on s'éloigne au fur et à mesure de la fabrication du film, forcément qu'on va arriver au final, ça va mal se terminer. Et il faut vraiment arriver à se parler, à se comprendre dès le départ qu'on a bien la bonne vision du même film et qu'on veut faire le même film. Je vous donne la parole dans 4 minutes. Est-ce que tu voulais répondre? Il y avait quelque chose... J'aimerais juste appeler Guillaume Connelly, mais tu voulais peut-être répondre aussi. Non, pas forcément. Non, moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des problèmes aussi qu'on a c'est la rémunération du producteur, c'est comment le studio fonctionne, et qu'il y a pas un malentendu, mais des choses qui n'est pas compris forcément par l'auteur, qui se dit, mais je ne comprends pas pourquoi mon film coûte 130 000 euros, je ne sais pas, et que réellement, il en coûte X milliers d'euros, et de savoir combien finalement coûte un producteur, combien, parce que... Vous aussi, vous êtes payé, il y a un studio, etc. Et pas toujours comme les auteurs, mais oui. On est, après, vous savez tout, je pense, on est dans le court-métrage d'animation, on est quand même dans une espèce d'économie qui est quand même très particulière, qui se vend peu, et on sait bien, enfin, a priori, je connais peu, il y en a peut-être, hein, des producteurs de court-métrage qui ont plein de. Qui ont des piscines, qui ont des villas, etc. En tout cas, l'animation, peut-être de court-métrage prise de durée, mais en tout cas, pas forcément l'animation. Donc, on n'est pas du tout la même. C'est un. C'est encore plus compliqué de se payer sur la prise de durée. D'accord. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là quand même, alors revenir sur là-dessus, sur combien coûte un producteur? Est-ce que vous le savez par exemple, je ne sais pas, Florentine, Gilles? Combien coûte un producteur? Ouais, non mais combien on paye, combien quelque part sur un film on paye un producteur? Alors, c'est important. T'as une réponse du CNC, ouais. La réponse du CNC c'est 5% du budget. Donc est-ce qu'un producteur dans ce cas-là, ne veut pas que le budget évidemment soit le plus important, même si tout dans la part, c'est 5%, ces 5% sont directement en part... en part producteur, ce qu'on appelle donc, c'est une mise en participation, et donc cet argent, on considère dès le départ sur le court métrage, après sur le reste c'est un peu plus compliqué, mais sur le court métrage on considère que ces 5% font partie de l'apport qu'amène le producteur, entre autres. D'accord, et les fameux, je sais pas, frais, voilà. Même chose. Voilà. Alors, nous, on fait pas vraiment du court métrage à proprement parler, parce qu'on est dans une autre économie de fonctionnement, mais. Dans un budget, il y a trois lignes rémunérateurs pour la production. C'est effectivement un salaire producteur qui peut être un pourcentage, et de toute façon, il y a une grille qui vient d'être signée, c'est surtout pour la série, qui dit pour des séries de talent intense, c'est tel pourcentage. Donc, c'est vraiment très clair là-dessus aujourd'hui. Après, il y a une ligne de frais généraux qui est aussi un pourcentage, qui est aussi, on va dire, entre 5 et 10% du budget. Et il y a ce qu'on appelle des imprévus qui, évidemment, sont censés être utilisés pour la fabrication du film, si nécessaire. Maintenant, si le film se fait avec le budget qui avait été mis sans utiliser les imprévus, effectivement, les imprévus, normalement, vont à la société de production. Et après, en fait, rentrent dans les frais généraux de la société et utilisés par la production. Donc, je sais pas, Gilles, peut-être que ces fameux imprévus, est-ce que vous voulez garder? Gilles, je ne sais pas, quand on avait fait Chahut, Florentine, est-ce que vous regardez toujours cette ligne-là en vous disant, bon alors là, il faut que je fasse attention à ça, est-ce que ça va être... Non, ce n'était pas mon rôle quand j'étais réalisateur. Ça, c'est le producteur qui gère ces lignes-là, justement. Il ne faut pas non plus que le réalisateur... moi, je pense qu'il doit s'intéresser à comment on fonctionne. Il doit, après, il ne faut pas qu'il soit de la police secrète et qu'il aille... parce que ça va être gonflant pour le producteur aussi, hein. Si le gars tous les jours dit oui mais attends je veux voir absolument montre-moi ton compte allons à la banque ensemble et vérifions, enfin, au bout d'un moment s'il n'y a pas une relation de confiance il ne faut pas le faire, donc c'est pour ça que toutes les questions doivent être posées en amont, c'est ce que tu disais, voilà. Et après il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises surprises pour le réalisateur et pour le producteur, voilà. Il faut forcer aussi, hein, c'est-à-dire que moi souvent je sens que l'auteur, il y a des questions qui la brûlent les lèvres, mais qu'il ne veut pas les poser parce qu'il a trop peur. Déjà, il faut calmer tout de suite. Hein, Là, c'est à nous aussi de se dire, ok, je vois que tu veux pas parler ça, parce que t'as... Mais parlons-en. On reste libère, on en parle, parce que forcément, c'est des choses qui sont hyper angoissantes. Donc, il faut vraiment parler. Est-ce que vous avez... On va avancer un petit peu, parce que les invités d'après sont arrivés, on va pas... Mais est-ce que vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres et que vous n'osez pas poser et que vous les posez? Hop, c'est le moment où je m'inquiète. Bonjour. Je me demandais, c'est quoi les principales différences dans le financement d'un film, d'un court métrage, d'un long et d'une série en général? Le budget. J'en ai parti pour 2 heures. Non, mais... c'est pas le même guichet non plus. Donc, tu plus selon la série que moi. Non, mais c'est en tout cas la différence entre le court et le reste, c'est qu'en court, il y a très peu de recettes. Normalement, quand on fabrique une œuvre, on pense derrière à la vendre et que ça nous rapporte de l'argent. En cours, on n'en a pas. Donc, ça, c'est une des grosses différences. Ouais, en fait, très souvent, alors, je parle en fiction parce que moi, je viens de la fiction avant tout. Les fictions, c'est plus de vrai. Mais une fiction, c'est comme. Voilà, c'est un truc, ça prend des années avant qu'il change le mot comme si on s'est fait une simulation, mais c'est pas grave. Le crise de vue réel, et en fait, très souvent, en tant que producteur, on produit des courts-métrages, c'est aussi pour faire connaissance avec un auteur. C'est-à-dire qu'on a envie de travailler avec un auteur, on se dit qu'il faut d'abord s'apprivoiser, et que partir tout de suite sur un long-métrage avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et avec qui on va passer 5 ans, ça peut être compliqué, donc des fois on fait un essai, entre guillemets, et on fait un court-métrage, et on voit comment ça se passe, si on s'entend bien, si ça se passe bien, si artistiquement on s'y retrouve tous les deux. Et après, on peut passer au long métrage sur les coups. C'est difficile de donner toutes les particuliers, en fait. Chaque œuvre est particulière, donc aussi bien en court métrage qu'en long métrage ou en série, les budgets sont totalement différents. Mais surtout, c'est qu'en court métrage, on pousse plus les gens à faire des efforts, c'est-à-dire à ne pas payer forcément tout le temps. Se donne beaucoup plus parce que l'économie du court-métrage est totalement différente. Et effectivement, c'est pas les mêmes guichets avec lesquels on va chercher de l'argent. Et déjà, d'arriver à réunir de l'argent en court-métrage, c'est pas toujours évident. Il n'y a pas forcément de casse de diffusion très développée sur les chaînes françaises. Elles sont très réduites pour diffuser du court-métrage. Donc, ça veut dire que le financement est beaucoup plus compliqué. Et à l'étranger, c'est encore pire parce qu'il n'y a pratiquement pas de casse de diffusion de court-métrage. Donc, la rentabilité d'un court-métrage est pas nul, heureusement, mais elle est très faible. Et en France, on est parmi ceux qui sont les plus financés pour du court-métrage par rapport aux pays européens ou même étrangers. À l'autre de la table, il n'y a quasiment que des jeunes producteurs, en tout cas des sociétés assez récentes, je parlais de la société, des jeunes producteurs, je l'ai fait exprès, il n'y a pas d'anciens producteurs. Est-ce qu'on ne va pas avoir, et c'est une petite question un peu à côté, une petite problématique qui va arriver bientôt quand... On a des gens comme Yves Bouvray qui étaient bien tranquilles à faire un festival et qui disent, tiens, si je voulais récupérer un peu d'argent à droite, à gauche, au CNC, non, tu vois ce que je veux dire. D'un seul coup, tu sais, on aurait pu avoir, je ne sais pas, Offshore qui s'est lancé dans la production d'animation. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ne faisaient pas du tout d'animation et qui se lancent. C'est super, mais est-ce que finalement, c'est bête, parce qu'on est dans la métaphore, le gâteau est le même, et finalement, on va avoir jamais plus de petites parts. C'est une des problématiques qui a été le rapport Bonnel. Qui est un ancien directeur de chaîne, qui a fait un rapport justement pour le CNC sur la production. Et ils ont fait des modifications justement pour réduire le nombre de producteurs, parce qu'effectivement, on a énormément de producteurs, que les financements baissent. Donc forcément, la question qui se posait principalement, c'était de savoir, est-ce qu'il vaut mieux, si on a 100 000 euros, le donner à que 20 producteurs ou le diviser à 200 producteurs, qui met en péril que peut-être 80% des films à lesquels on va donner un peu d'argent vont peut-être jamais se faire. Mais je n'ai pas la réponse et je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est mieux, mais évidemment, plus il y a de producteurs, et ça va être compliqué à un moment donné. Et il y a eu beaucoup sur ce rapport Bonnel qui était de justement favoriser que des petits producteurs, entre guillemets, peut-être se réunissent et mettent les forces ensemble pour arriver à produire et arriver à survivre. Parce que le rapport Bonnel, effectivement, après, moi j'ai un gros problème avec la concentration. C'est bien sûr Bonnel ne parle pas de la concentration, mais Moi, je suis un amoureux de la diversité. Et pour moi, on défend la diversité en défendant justement un nombre de producteurs important. Et parce que qui dit plus de producteurs dit plus de projets, qui dit plus de. Alors, il y en a effectivement qui ne s'en trompent pas. Moi, je pense que le combat, il est plus justement sur comment trouver plus d'argent dans notre, et toujours améliorer cette exception culturelle qu'on défend, nous, en France. Mais pour moi, la diversité, elle est essentielle. Sur l'animation en particulier, je trouve ça génial que des producteurs de plus audiovisuel se mettent à l'animation parce que, et que les producteurs d'animation se mettent aussi à produire des projets de plus audiovisuel parce qu'au bout d'un moment, moi, je suis un peu radical là-dessus. Pour moi, l'animation, c'est une technique. Et à un moment, c'est côté sectoriser les gens, ça m'agace. Donc, ça, je trouve ça super. Et pour les auteurs, qui est les jeunes producteurs d'animation, qui a renouvellement aussi des propositions pour eux, à la fois de l'éditorial, mais aussi de chance pour eux de trouver un producteur, c'est génial aussi. Voilà. Juste une après. Une autre chose, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est-à-dire que certains producteurs qui se lancent dans l'animation, c'est parce que l'animation est une des activités culturelles qui exportent le plus et qui rapportent le plus d'argent à l'export, en tout cas à l'international. Donc évidemment, ils se disent, et même les grosses sociétés, pas forcément offshore, c'est pas ce qu'ils font, mais des producteurs de live, de fiction, se mettent aussi à l'animation parce qu'ils se disent que potentiellement ils vont pouvoir faire de l'argent parce que l'animation a en cours en ce moment et marche beaucoup. Donc ils se disent que, sauf qu'il y a très souvent des accidents industriels qui arrivent à cause de ça. Parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément la chaîne et comment on fabrique un film d'animation. C'est quand même assez compliqué par rapport à la fiction. Et moi, ayant fait les deux, je vois bien les différences et qu'il faut être bien entouré des bonnes personnes pour les faire. Dans ce moment, vous savez que vous avez fait un débat et vous avez besoin, c'est que c'était en une heure évidemment, il aurait fallu prendre 3 heures. Et j'ai 52 questions, mais je vais essayer de voir si il y a encore des questions. Et je vais s'imposer les miennes. Bonjour. Peut-être une petite question un peu rapide sur les modes de production qui pourraient exister de manière alternative. La compatibilité en fait de la production par une association, savoir dans quel cadre, si c'est quelque chose qui est facile à faire, si c'est quelque chose qui me paraît très difficile. Et comme Florentine, vous parliez de l'autoproduction, peut-être dire un mot là-dessus aussi, en savoir un petit peu plus. Sur comment vous aviez fait pour autoproduire vos films, si c'était. J'imagine que c'était quelque chose aussi assez compliqué. Voilà. Juste pour la production au niveau associatif, c'est vrai que c'est. Normalement, on ne peut pas. Pour être producteur, c'est une société, donc. Forme juridique. Voilà, donc c'est de la forme juridique. Alors, il y a des aides dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une aide à la production associative. Nous, on l'a. Pas avec Papy 3D, mais avec Studio Train Train. Dont la forme juridique est une association. Au début, on a utilisé cette solution quoi, pour produire des films très peu chers, en très peu de temps, ou alors finir des projets d'étudiants qui avaient fini, qui voulaient finir leur film de fin d'études, et on dit « viens finir chez nous, on te trouve un peu d'argent, ça te fait un mois et demi de salaire, et essaye de finir dans ce temps-là, et puis voilà. » Mais voilà, faire un vrai film professionnel, ben voilà, c'est professionnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour le reste. Oui, finir l'autoproduction. L'autoproduction, c'est les fonds propres, en fait. C'est juste que, en fait, mais le souci, c'est que l'autoproduction, je fais des films de 2-3 minutes en autoproduction. C'est vrai que dès que ça commence à être des choses avec une narration poussée, et là, mon prochain film, c'est un 13 minutes, celui-ci, je ne pouvais pas l'autoproduire. Donc c'est vrai que pour moi, il y a un peu des films à dossier, ou des films où il me faut un producteur. Et par contre, j'ai plein d'idées de films assez libres, et d'ailleurs qui ont une forme où je n'ai pas du coup de dossier à faire, donc du coup je ne borde pas, j'ai une autre façon de faire du coup qui est plus libre. Et c'est vrai que ça serait bien de combiner les deux, mais c'est un peu difficile. Mais du coup, c'est des films que je fais pour mon plaisir, et qu'après je finis, et je paye moi-même donc une distributrice, Miral Bach, pour qu'elle l'envoie en festival. Et souvent, je paye, pour le son, je paye aussi la personne. Donc, c'est un fonds propre. Ça me coûte environ 2000 euros en tout. Je mets de l'argent de côté. De côté, je suis enseignante. Non, en fait, pour le côté alternatif, j'ai trouvé à côté j'ai réfléchi vraiment à ça, en fait, parce que je voulais pouvoir continuer à faire des films jusqu'à la fin de ma vie. Ce qui est le vrai challenge, je pense, pour un réalisateur. Le film de fin d'études, c'est facile. Le premier film, on est encore chez les parents, on n'a pas trop besoin de sous, c'est facile. Le plus difficile, c'est de faire le deuxième film et de continuer à faire des films après. Et pour ça, j'avais vraiment réfléchi à ça et je faisais des workshops, des ateliers et je m'étais dit le pédagogie, enfin, être enseignant, c'est quand même, ça me prend énormément de temps, mais entre 22h et 1h du matin, j'ai un peu de temps pour faire mes films et c'est vraiment ce qui se passe. N'empêche, j'ai réfléchi à pouvoir continuer à parfois faire des petits films à côté et mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir les faire vivre. Et effectivement, mes autoproductions, elles ont toujours eu une quinzaine ou une vingtaine de sélections dans des festivals plus ou moins grands, mais au moins elles sont diffusées, au moins ça fait une actualité, au moins je continue à produire. Et, là, c'est vrai que mon film qui va enfin se faire, ça fait 6 ans et demi que j'ai envoyé le premier dossier. Depuis le dossier de Fontevraud au dossier de plénière du CNC, il y a eu 6 ans et demi qui s'est passé. Et là, là, je pense qu'après, je vais me reprendre 2-3 ans pour faire de l'autoprod, juste pour décompresser, parce que c'est vrai que tenir les dossiers, tenir les choses avec financement, c'est très dur. Et à côté, pouvoir faire des choses plus libres, moi, ça me permet de, bah, d'alterner. Je crois, avant de finir, deux petites choses à réaliser, c'est Peter Willard, qui est un réalisateur anglais, et un réalisateur français qui s'appelle Paul Cabon. Et je trouve que ce que tu dis est intéressant. Peter Willard, par exemple, est quelqu'un qui fait des choses un petit peu barré, on va dire. C'est quelqu'un qui, par exemple, disait récemment dans une interview, disait moi, la moitié du temps, la semaine, je travaille dans un musée et le reste, je fais mes films. Et en fait, je lui demandais si c'était aussi le prix de la liberté un petit peu. Il disait oui, c'est vrai que dans ce cas-là, on peut faire plus qu'on veut, évidemment, mais c'est compliqué aussi parce que là, voilà, vous avez tout ce temps-là, vous passez pour gagner de l'argent parce qu'il faut bien gagner de l'argent. Et Paul Cabon, donc, qui avait fait. Sauvage d'abord à Poudrière, ensuite Tempête sur un rail, et qui vient de faire Le futur sera chaud, et qui disait à Bru, qui disait je ne leur ferai pas de suite de m'autoproduire parce que ça a été très compliqué. Et je pense que c'était par rapport au film qu'on fait, ça avance, parce que lui il y avait une narration, il y avait quelque chose d'un peu, voilà, un peu poussé. C'est un film qui faisait en effet 6-7 minutes, et d'un seul coup se retrouver en autoproduction, il disait j'ai pris sur mes fonds propres. J'ai hypothéqué, enfin voilà, c'est ça fait quand même beaucoup de choses, on va dire, pour créer son court-métrage qui, en plus, après, vous êtes dans le problématique de dire est-ce que ça va être acheté quand même par une télé, je vais retrouver un peu d'argent, si les films ne sont pas sélectionnés, vous savez, ou à Annecy, ou dans des endroits comme ça, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, est-ce que juste un petit mot, je ne sais pas, est-ce que quand même, parce que moi c'est quelque chose qui n'est pas, est-ce que vous trouvez que des fois les auteurs ne se renseigne pas suffisamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est allé à l'Internet et qu'il y a la possibilité quand même, même si c'est difficile, je sais pas, d'être sur des... Il n'y a pas de possibilité que ça. Enfin, ouais, de pouvoir écrire, de pouvoir contacter des gens sur Facebook, des réalisateurs, en disant, en anime, c'est plutôt sympa comme ambiance, et de se dire, là, je suis un peu paumé, ou alors d'anciens élèves, de contacter un professeur en disant, voilà, moi, je vais signer mon premier contrat, est-ce que tu peux me donner un petit coup de main ou des choses comme ça? Il y a les... Enfin, ouais. Il n'y a pas forcément toutes les infos sur Internet, en tout cas pour tout ce qui est budget, savoir combien coûte un film, etc. Il n'y a pas forcément une... Enfin, c'est un peu compliqué. Et ensuite, le souci, c'est encore une fois la confiance en soi et se dire, enfin oui, il y a possibilité, mais est-ce que tu vas aller sur Facebook pour contacter les producteurs et faire « Coucou, c'est moi ?» Je suis pas sûre que ça se tente, hein. C'est un peu compliqué. Pas les producteurs, c'est plus, aussi, non, c'est plus d'autres auteurs en disant « T'as été produit par un tel, quel est ton parcours avec... voilà, parce que moi, j'aimerais faire ce projet-là. » Et c'est plutôt se renseigner, comme les producteurs peuvent se renseigner sur les auteurs, en disant « T'as produit un tel, est-ce que ton, ça va ?» Je vais pas, ça va pas être trop... Moi, ça arrive, hein, des anciens étudiants, il y a des producteurs qui disent « Tu l'as eu, qu'est-ce que t'en penses ?» etc. Et par contre, c'est rare que je trouve des auteurs viennent en disant bah, « Qu'est-ce que tu penses de tel producteur ?» Enfin, moi, je sais qu'on en parle entre réalisateurs. Enfin, ça existe, en tout cas, moi, je le fais, et d'autres personnes le font. Après... Je pense qu'effectivement, il y a moyen de se parler maintenant plus facilement. Et ben, faut se méfier. Après, faut se méfier. Oui, un dernier mot pour vas-y. Non, c'est juste après, c'est bien d'interroger un peu les gens autour de surtout sur les questions, je pense, juridiques, c'est intéressant. Ça, voilà. Après, sur les réputations, moi, je m'en méfie. Alors, dans tous les sens. Oui. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, la relation elle est tellement intime que quand ça se passe mal. On entend de tout n'importe quoi et je ne prends ni parti pris systématiquement pour le producteur ni parti pris pour l'auteur, mais je ne veux pas m'emmêler de ça parce que c'est tellement compliqué, il faut avoir les deux versions et je suis content de les avoir. Donc voilà, c'est une idée de réputation. Je pense qu'il faut. Un dernier mot, Florentine. Je pense que c'est important de prendre des infos et de savoir même les choses qui sont mal placées, passer pour les savoir. Ce qui est embêtant, c'est s'il y a une espèce d'omerta et qu'on ne parle pas. Donc c'est bien de se dire, bah bon, alors dans le collectif, il y a un problème là, il y a un problème. En gros, tout le monde, il y a toujours eu avec un producteur un problème. Le micro ne marche plus, je crois. Un problème maintenant, non mais. Il y a, tout, je pense que tous les producteurs ont déjà eu au moins un souci avec un réalisateur dans le sens où ils ne se sont pas trouvés, où il y a un truc qui n'a pas marché. On peut dire joue sur tout le monde. Donc c'est bien de le savoir et après, on est, au moins on sait et on sait qu'on va avoir ce producteur en se disant, ben voilà, lui, il a peut-être on a tous des défauts et les réalisateurs aussi ont des défauts. Donc, c'est pas, il faut juste s'informer. C'était forcément, je l'avais dit, j'espère qu'il y a quand même quelques réponses qui ont été données. Je pense que malheureusement, toutes les réponses n'ont pas été données, mais voilà, c'était déjà un premier débat. J'ai remercié ce pavillon de venir pour parler comme ça de production et voilà. Donc non, mais j'ai dit que c'est pas évident et que je pense qu'en plus dans les prochaines années, plein de choses vont arriver, on va voir. Donc voilà, merci beaucoup à vous cinq, merci. Merci.